À l'époque de ces malheurs, il y avait déjà près d'une année que la duchesse avait fait une rencontre singulière. Elle en avait rencontré Ferrante Palla, médecin amoureux d'elle, mais aussi poète, voleur, libéral, qui veut renverser le prince de Parme et instaurer la République. Elle lui demande son aide pour se venger du prince, potentiel meurtrier de Fabrice, en l'empoisonnant. Le jour où elle laissera l'eau du réservoir de son palais couler dans la rue. On célébra le mariage de la sœur du marquis Crescenzi, et ce fut à la fête donnée dans cette occasion que la duchesse rencontra Clélia et put lui parler, sans donner de soupçon, aux observateurs de bonne compagnie. La duchesse elle-même remit à Clélia le paquet de cordes. On les avait comprimés de façon à en former plusieurs paquets de la forme d'un volume in quarto. Clélia s'en empara et promit à la duchesse que tout ce qui était humainement possible serait accompli pour faire arriver ces paquets jusqu'à la tour Farnèse. Mais je crains la timidité de votre caractère, et d'ailleurs, ajouta poliment la duchesse, quel intérêt peut vous inspirer un inconnu? Monsieur Deldong est malheureux, et je vous promets que par moi il sera sauvé. Mais la duchesse, ne comptant que fort médiocrement sur la présence d'esprit d'une jeune personne de 20 ans, avait pris d'autres précautions dont elle se garda bien de faire part à la fille du gouverneur. Comme il était naturel de le supposer, ce gouverneur se trouvait à la fête donnée pour le mariage de la sœur du marquis Crescenzi. La duchesse se dit que si elle lui faisait donner un fort narcotique, on pourrait croire dans le premier moment qu'il s'agissait d'une attaque d'apoplexie. Fabrice, tout occupé des préparatifs de sa fuite, ne put concevoir les bruits étranges qui remplissaient la citadelle au moment où l'on y rapportait le gouverneur à demi-mort. D'abord, il eut quelque idée que sa sentence était changée et qu'on venait de le mettre à mort. Voyant ensuite que personne ne se présentait dans sa chambre, il pensa que Clélia avait été trahie, qu'à sa rentrée dans la forteresse, on lui avait enlevé les cordes que probablement elle rapportait, et qu'enfin ses projets de fuite étaient désormais impossibles. Le lendemain, à l'aube du jour, il vit entrer dans la chambre un homme à lui inconnu qui, sans dire un mot, y déposa un panier de fruits. Sous les fruits était cachée la lettre suivante. Pénétré des remords les plus vifs par ce qui a été fait, non pas, grâce au ciel, de mon consentement, mais à l'occasion d'une idée que j'avais eue, j'ai fait vœu à la Très-Sainte Vierge que si, par l'effet de sa sainte intercession, mon père est sauvé, jamais je n'opposerai un refus à ses ordres. J'épouserai le marquis aussitôt que j'en serai requise par lui, et jamais je ne vous reverrai. Toutefois, je crois qu'il est de mon devoir d'achever ce qui a été commencé. Dimanche prochain, au retour de la messe où l'on vous conduira à ma demande, songez à préparer votre âme. Vous pouvez vous tuer dans la difficile entreprise. Au retour de la messe, dis-je, retardez le plus possible votre rentrée dans votre chambre. Vous y trouverez ce qui vous est nécessaire pour l'entreprise méditée. Si vous périssez, j'aurai l'âme navrée. Pourrez-vous m'accuser d'avoir contribué à votre mort? La duchesse elle-même ne m'a-t-elle pas répété à diverses reprises que la faction raversie l'emporte? On veut lier le prince par une cruauté qui les sépare à jamais du comte Mosca. La duchesse, fondant en larmes, m'a juré qu'il ne reste que cette ressource. Vous périssez si vous ne tentez rien. Je ne puis plus vous regarder, j'en ai fait le vœu. Mais si demain, vers le soir, vous me voyez entièrement vêtu de noir, à la fenêtre accoutumée, ce sera le signal que la nuit suivante, tout sera disposé autant qu'il est possible à mes faibles moyens. Après 11 heures, peut-être seulement à minuit ou 1 heure, une petite lampe apparaîtra à ma fenêtre. Ce sera l'instant décisif. Recommandez-vous à votre saint patron, prenez en hâte les habits de prêtre dont vous êtes pourvu et marchez. Adieu, Fabrice. Je serai en prière et répandant les larmes les plus amères, vous pouvez le croire, pendant que vous courez de si grands dangers. Si vous périssez, je ne vous survivrai point. Grand Dieu, qu'est-ce que je dis? Mais si vous réussissez, je ne vous reverrai jamais. Dimanche, après la messe, vous trouverez dans votre prison l'argent, les poisons, les cordes, envoyées par cette femme terrible qui vous aime avec passion et qui m'a répété jusqu'à 3 fois qu'il fallait prendre ce parti. Dieu vous sauve et la Sainte Madone.